Section 5. Des mémoires d'outre-tombe, volume 3, par François-René de Chateaubriand. Les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Troisième partie, livre premier, suite. Pendant son absence, De Seix avait achevé de soumettre la Haute Égypte. On rencontre, en remontant le Nil, des débris à qui le langage de Bossuet laisse toute leur grandeur et l'augmente. On a, dit l'auteur de l'Histoire universelle, découvert dans le Saïd des temples et des palais presque encore entiers, où ses colonnes et ses statues sont innombrables. On y admire surtout un palais dont les restes semblent n'avoir subsisté que pour effacer la gloire de tous les plus grands ouvrages. Quatre allées à perte de vue et bordées de part et d'autre par des sphinx d'une matière aussi rare que leur grandeur est remarquable servent d'avenue à quatre portiques dont la hauteur étonne les yeux. Quelle magnificence et quelle étendue! Encore ceux qui nous ont décrit ce prodigieux édifice n'ont-ils pas eu le temps d'en faire le tour, mais ne sont pas même assurés d'en avoir vu la moitié. Mais tout ce qu'ils ont vu était surprenant. Une salle, qui apparemment faisait le milieu de ce superbe palais, était soutenue de 620 colonnes, de 6 brassées de grosseur, grandes à proportion et entremêlées d'obélisques que tant de siècles n'ont pu abattre. Les couleurs même, c'est-à-dire ce qui éprouve le plus tôt le pouvoir du temps, se soutiennent encore parmi les ruines de cet admirable édifice et y conservent leur vivacité. Tant l'Égypte savait imprimer le caractère d'immortalité à tous les ouvrages. Maintenant que le nom du roi Louis XIV pénètre aux parties du monde les plus inconnues, ne serait-ce pas un digne objet de cette noble curiosité de découvrir les beautés que la Thébaïde renferme dans ses déserts? Quelle beauté ne trouverait-on pas si on pouvait aborder la ville royale, puisque si loin d'elle on découvre des choses si merveilleuses? La puissance romaine, désespérant d'égaler les Égyptiens, a cru faire assez pour sa grandeur d'emprunter les monuments de leur roi. Napoléon se chargea d'exécuter les conseils que Bossuet donnait à Louis XIV. « Thèbes, dit M. Denon, qui suivait l'expédition de De Seix, cette cité reléguée que l'imagination n'entrevoit plus qu'à travers l'obscurité des temps, était encore un fantôme si gigantesque qu'à son aspect l'armée s'arrêta d'elle-même et battit des mains. Dans le complaisant enthousiasme des soldats, je trouvais des genoux pour me servir de table, des corps pour me donner de l'ombre. Parvenus aux cataractes du Nil, nos soldats, toujours combattant contre les baies et éprouvant des fatigues incroyables, s'amusaient à établir dans le village de Sienne des boutiques de tailleurs, d'orfèvres, de barbiers, de traiteurs, à prix fixe. Sous une allée d'arbres alignés, ils plantèrent une colonne miliaire avec l'inscription « Route de Paris ». En redescendant le Nil, l'armée eut souvent affaire aux Mécains. On mettait le feu au retranchement des Arabes. Ils manquaient d'eau, ils éteignaient le feu avec les pieds et les mains, ils l'étouffaient avec leur corps. Noirs et nus, dit encore M. Denon, on les voyait courir à travers les flammes. C'était l'image des diables dans l'enfer. Je n'ai regardé point sans un sentiment d'horreur et d'admiration. Il y avait des moments de silence dans lesquels une voix se faisait entendre, on lui répondait par des hymnes sacrés et des cris de combat. Ces Arabes chantaient et dansaient comme les soldats et les moines espagnols dans Saragosse, embrasés. Les Russes brûlèrent Moscou. La sorte de sublime démence qui agitait Bonaparte, ils la communiquaient à ses victimes. Napoléon, rentré au Caire, écrivait au général Dugois. « Vous ferez, citoyen général, trancher la tête à Abdallah Aga, ancien gouverneur de Jaffa. D'après ce que m'ont dit les habitants de Syrie, c'est un monstre dont il faut délivrer la terre. Vous ferez fusiller les nommés Hassan, Youssef, Ibrahim, Saleh, Mahomet, Bekir, Hadj Saleh, Mustapha, Mahomet, tous mamelouks. » Il renouvelle souvent ses ordres contre des Égyptiens qui ont mal parlé des Français. Tel était le cas que Bonaparte faisait des lois. Le droit même de la guerre permettait-il de sacrifier tant de vies sur ce simple ordre d'un chef « Vous ferez fusiller ?» Au sultan du Darfour, il écrit « Je désire que vous me fassiez passer 2000 esclaves mâles, ayant plus de 16 ans. » Il aimait les esclaves. Une flotte ottomane de 100 voiles mouille à Aboukir et débarque une armée. Murat, appuyé du général Lannes, la jette dans la mer. Bonaparte instruit le directoire de ses succès. Le rivage où l'année dernière les courants ont porté les cadavres anglais et français est aujourd'hui couvert de ceux de nos ennemis. On se fatigue à marcher dans ces monceaux de victoire comme dans les sables étincelants de ces déserts. Le billet suivant frappe tristement l'esprit. J'ai été peu satisfait, citoyen général, de toutes vos opérations pendant le mouvement qui vient d'avoir lieu. Vous avez reçu l'ordre de vous porter au Caire, et vous n'en avez rien fait. Tous les événements qui peuvent survenir ne doivent jamais empêcher un militaire d'obéir. Et le talent à la guerre consiste à lever les difficultés qui peuvent rendre difficile une opération et non pas à la faire manquer. Je vous dis ceci pour l'avenir. Un grade avance, cette rude instruction de Bonaparte est adressée à Desaix, qui offrait à la tête des braves dans la Haute-Égypte autant d'exemples d'humanité que de courage. Marchant au pas de son cheval, causant de ruines, regrettant sa patrie, sauvant des femmes et des enfants, aimé des populations qu'il appelait le sultan juste, enfin à ceux de sexe tués depuis à Marengo dans la charge par laquelle le premier consul devint le maître de l'Europe. Le caractère de l'homme perce dans le billet de Napoléon. Domination et jalousie. On pressent celui que toute renommée afflige, le prédestinateur auquel est donnée la parole qui reste et qui contraint, mais sans cet esprit de commandement, Bonaparte aurait-il pu tout abattre devant lui, prêt à quitter le sol antique où l'homme d'autrefois s'écriait en expirant « Puissance qui dispensait la vie aux hommes, recevez-moi et accordez-moi une demeure parmi les dieux immortels », Bonaparte ne songe qu'à son avenir de la terre. Il fait avertir par la mer Rouge les gouverneurs de l'île de France et de l'île de Bourbon. Il envoie ses salutations au sultan du Maroc et au bey de Tripoli. Il leur fait part de ses affectueuses sollicitudes pour les caravanes et les pèlerins de la Mecque. Napoléon cherche en même temps à détourner le grand vizir de l'invasion que la porte médite, assurant qu'il est prêt à tout vaincre comme à entrer dans toute négociation. Une chose ferait peu d'honneur à notre caractère si notre imagination et notre amour de nouveauté n'étaient plus coupables que notre équité nationale. Les Français s'extasient sur l'expédition d'Égypte. Ils ne remarquent pas qu'elle blessait autant la probité que le droit politique. En pleine paix avec la plus vieille alliée de la France, nous l'attaquons. Nous lui ravissons sa féconde province du Nil, sans déclaration de guerre, comme des Algériens qui, dans une de leurs algarades, se seraient emparés de Marseille et de la Provence. Quand la porte arme pour sa défense légitime, fière de notre illustre guet-apens, nous lui demandons ce qu'elle a. Et pourquoi elle se fâche? Nous lui déclarons que nous n'avons pris les armes que pour faire la police chez elle, que pour la débarrasser de ces brigands de Mamelouk qui tenaient son pacha prisonnier. Bonaparte mande au grand vizir. Comment votre excellence ne sentirait-elle pas qu'il n'y a pas un Français de tué qui ne soit un appui de moins pour la porte? Quant à moi, je tiendrai pour le plus beau jour de ma vie celui où je pourrai contribuer à faire terminer une guerre à la fois impolitique et sans objet. Bonaparte voulait s'en aller. La guerre alors était sans objet et impolitique. L'ancienne monarchie fut du reste aussi coupable que la République. Les archives des affaires étrangères conservent plusieurs plans de colonies françaises à établir en Égypte. Leibnitz lui-même avait conseillé la colonie égyptienne à Louis XIV. Les Anglais n'estiment que la politique positive, celle des intérêts. La fidélité aux traités et les scrupules moraux leur semblent puérils. Enfin, l'heure était sonnée. Arrêté aux frontières orientales de l'Asie, Bonaparte va saisir d'abord le sceptre de l'Europe pour chercher ensuite au nord, par un autre chemin, les portes de l'Himalaya et les splendeurs de Cachemire. Sa dernière lettre à Kléber, datée d'Alexandrie, 22 août 1799, est de toute excellence et réunit la raison, l'expérience et l'autorité. La fin de cette lettre s'élève à un pathétique sérieux et pénétrant. Vous trouverez ci-joint, citoyen général, un ordre pour prendre le commandement en chef de l'armée. La crainte que la croisière anglaise ne reparaisse d'un moment à l'autre me fait précipiter mon voyage de 2 ou 3 jours. J'emmène avec moi les généraux Berthier, André Aussy, Murat, Lannes et Marmont, et les citoyens Monge et Berthollet. Vous trouverez ci-joint les papiers anglais et de Francfort jusqu'au 10 juin. Vous y verrez que nous avons perdu l'Italie, que Mantoue, Turin et Tortone sont bloqués. J'ai lieu d'espérer que la première tiendra jusqu'à la fin de novembre. J'ai l'espérance, si la fortune me sourit, d'arriver en Europe avant le commencement d'octobre. Suivent des instructions particulières. Vous savez apprécier, aussi bien que moi, combien la possession de l'Égypte est importante à la France. Cet empire turc, qui menace ruine de tous côtés, s'écroule aujourd'hui, et l'évacuation de l'Égypte serait un malheur d'autant plus grand que nous verrions de nos jours cette belle province passer en d'autres mains européennes. Les nouvelles des succès et des revers qu'aura la République doivent aussi entrer puissamment dans vos calculs. Vous connaissez, citoyen général, quelle est ma manière de voir sur la politique intérieure de l'Égypte. Quelque chose que vous fassiez, les chrétiens seront toujours nos amis. Il faut les empêcher d'être trop insolents afin que les Turcs n'aient pas contre nous le même fanatisme que contre les chrétiens, ce qui nous les rendrait irréconciliables. J'avais déjà demandé plusieurs fois une troupe de comédiens. Je prendrai un soin particulier de vous en envoyer. Cet article est très important pour l'armée et pour commencer à changer les mœurs du pays. La place importante que vous allez occuper en chef va vous mettre à même afin de déployer les talents que la nature vous a donnés. L'intérêt de ce qui se passera ici est vif, et les résultats en seront immenses pour le commerce, pour la civilisation. Ce sera l'époque d'où dateront les grandes révolutions. Accoutumé à voir la récompense des peines et des travaux de la vie dans l'opinion de la postérité, j'abandonne avec le plus grand regret l'Égypte. L'intérêt de la patrie, sa gloire, l'obéissance, les événements extraordinaires qui viennent de se passer me décident seuls à passer au milieu des escadres ennemies pour me rendre en Europe. Je serai d'esprit et de cœur avec vous. Vos succès me seront aussi chers que ceux où je me trouverai en personne, et je regarderai comme mal employé tous les jours de ma vie où je ne ferai pas quelque chose pour l'armée dont je vous laisse le commandement et pour consolider le magnifique établissement dont les fondements viennent d'être jetés. L'armée que je vous confie est toute composée de mes enfants. J'ai eu dans tous les temps, même dans les plus grandes peines, des marques de leur attachement. Entretenez-les dans ces sentiments. Vous le devez à l'estime et à l'amitié toute particulière que j'ai pour vous et à l'attachement vrai que je leur porte. Bonaparte. Jamais le guerrier n'a retrouvé d'accent pareil. C'est Napoléon qui finit. L'empereur qui suivra sera sans doute plus étonnant encore. Mais combien aussi plus haïssable. Sa voix n'aura plus le son des jeunes années. Le temps, le despotisme, l'ivresse de la prospérité l'auront altéré. Bonaparte aurait été bien à plaindre s'il eût été contraint, en vertu de l'ancienne loi égyptienne, à tenir 3 jours embrassés les enfants qu'il avait fait mourir. Il avait songé, pour les soldats qu'il laissait exposés à l'ardeur du soleil, à ces distractions que le capitaine Parry employa 32 ans après pour ses matelots dans les nuits glacées du pôle. Il envoie le testament de l'Égypte à son brave successeur, qui sera bientôt assassiné, et il se dérobe furtivement, comme César se sauva à la nage dans le port d'Alexandrie. Cette reine, que le poète appelait un fatal prodige, Cléopâtre ne l'attendait pas. Il allait au rendez-vous secret que lui avait donné le destin, autre puissance infidèle. Après s'être plongé dans l'Orient, source des renommées merveilleuses, il nous revient sans toutefois être monté à Jérusalem, de même qu'il n'entra jamais dans Rome. Le juif qui criait « Malheur, malheur !» rôda autour de la ville sainte, sans pénétrer dans ses habitacles éternels. Un poète, s'échappant d'Alexandrie, monte le dernier sur la frégate aventureuse. Tout imprégné des miracles de la Judée et des souvenirs de la tombe aux pyramides, Bonaparte franchit les mers, insouciant de leurs vaisseaux et de leurs abîmes. Tout était guéable pour ce géant, événements et flots. Napoléon prend la route que j'ai suivie. Il longe l'Afrique par des vents contraires. Au bout de 21 jours, il coupe le Cap Bon. Il gagne les côtes de Sardaigne, est forcé de relâcher à Ajaccio, promène ses regards sur les lieux de sa naissance, reçoit quelque argent du cardinal Fesch et se rembarque. Il découvre une flotte anglaise qui ne le poursuit pas. Le 8 octobre, il rentre dans la rade de Fréjus, non loin de ce golfe juan où il se devait manifester une terrible et dernière fois. Il aborde à terre, part, arrive à Lyon, prend la route du Bourbonnais, entre à Paris le 16 octobre. Tout paraît disposé contre lui. Barras, Sieyès, Bernadotte, Moreau. Et tous ses opposants le servent, comme par miracle. La conspiration sourdit. Le gouvernement est transféré à Saint-Cloud. Bonaparte veut haranguer le conseil des anciens. Il se trouble, il balbutie les mots de frères d'armes, de volcan, de victoire, de César. On le traite de Cromwell, de tyran, d'hypocrite. Il veut accuser et on l'accuse. Il se dit accompagné du dieu de la guerre et du dieu de la fortune. Il se retire en s'écriant « Qui m'aime me suive ?» On demande sa mise en accusation. Lucien, président du conseil des 500, descend de son fauteuil pour ne pas mettre Napoléon hors la loi. Il tire son épée et jure de percer le sein de son frère si jamais il essaye de porter atteinte à la liberté. On parlait de faire fusiller le soldat déserteur, l'infracteur des lois sanitaires, le porteur de la peste, et on le couronne. Murat fait sauter par les fenêtres les représentants. Le 18 Brumaire s'accomplit, le gouvernement consulaire naît et la liberté meurt. Alors s'opère dans le monde un changement absolu. L'homme du dernier siècle descend de la scène, l'homme du nouveau siècle y monte. Washington, au bout de ses prodiges, cède la place à Bonaparte, qui recommence les siens. Le 9 novembre, le président des États-Unis ferme l'année 1799. Le premier consul de la République française ouvre l'année 1800. Un grand destin commence, un grand destin s'achève. Corneille. C'est sur ces événements immenses qu'est écrite la partie de mes mémoires que vous avez vue, ainsi qu'un texte moderne profanant d'antiques manuscrits. Je comptais mes abattements et mes obscurités à Londres sur les élévations et l'éclat de Napoléon. Le bruit de ses pas se mêlait au silence des miens dans mes promenades solitaires. Son nom me poursuivait jusque dans les réduits où se rencontraient les tristes indigences de mes compagnons d'infortune et les joyeuses détresses ou, comme aurait dit notre vieille langue, les misères hilareuses de Pelletier. Napoléon était de mon âge. Partis tous les deux du sein de l'armée, il avait gagné 100 batailles que je languissais encore dans l'ombre de ses émigrations qui furent le piédestal de sa fortune. Rester si loin derrière lui, le pouvais-je jamais rejoindre. Et néanmoins, quand il dictait des lois aux monarques, quand il les écrasait de ses armées et faisait jaillir leur sang sous ses pieds, quand le drapeau à la main, il traversait les ponts d'Arcole et de Lodi, quand il triomphait aux pyramides, aurais-je donné pour toutes ces victoires une seule de ces heures oubliées qui s'écoulaient en Angleterre dans une petite ville inconnue ? Oh, magie de la jeunesse ! Je quittai l'Angleterre quelques mois après que Napoléon eut quitté l'Égypte. Nous revînmes en France presque en même temps, lui de Memphis, moi de Londres. Il avait saisi des villes et des royaumes, ses mains étaient pleines de puissantes réalités. Je n'avais encore pris que des chimères. Que s'était-il passé en Europe pendant l'absence de Napoléon ? La guerre recommençait en Italie, au royaume de Naples et dans les États de Sardaigne. Rome et Naples momentanément occupés, Pie VI prisonnier, amené pour mourir en France, un traité d'alliance est conclu entre les cabinets de Pétersbourg et de Londres, deuxième coalition continentale contre la France, le 8 avril 1799, le congrès de Radstad est rompu, les plénipotentiaires français sont assassinés. Suvarov, arrivé en Italie, bat les Français à Cassano. La citadelle de Milan se rend au général russe. Une de nos armées, forcée d'évacuer Naples, se soutient à peine, commandée par le général Macdonald. Masséna défend la Suisse. Mantoue succombe après un blocus de 72 jours et un siège de 20. Le 15 octobre 1799, le général Joubert, tué à Novi, laisse le champ libre à Bonaparte. Il était destiné à jouer le rôle de celui-ci. Malheur à qui barrait une fortune fatale, témoins Hoche, Moreau et Joubert. 20 000 Anglais descendus au Helder y restent inutiles. Leur flotte en partie est bloquée par les glaces. Notre cavalerie charge sur des vaisseaux et les prend. 18 000 Russes, auxquels les combats et les fatigues ont réduit l'armée de Suvarov, ayant passé le Saint-Gothard le 24 septembre, se sont engagés dans la vallée de la Reuss. Masséna sauve la France à la bataille de Zurich. Suvarov, rentré en Allemagne, accuse les Autrichiens et se retire en Pologne. Telle était la position de la France lorsque Bonaparte reparaît, renverse le directoire et établit le consulat. Avant de m'engager plus loin, je rappellerai une chose dont on doit déjà être convaincu. Je ne m'occupe pas d'une vie particulière de Bonaparte. Je trace l'abrégé et le résumé de ses actions. Je peins ses batailles, je ne les décris pas. On les trouve partout, depuis Pomerol, qui a donné les campagnes d'Italie, jusqu'à nos généraux, critiques et censeurs des combats où ils assistèrent, jusqu'aux tacticiens étrangers, anglais, russes, allemands, italiens, espagnols. Les bulletins publics de Napoléon et ses dépêches secrètes forment le fil très peu sûr de ses narrations. Les travaux du lieutenant-général Jomini fournissent la meilleure source d'instruction. L'auteur est d'autant plus croyable qu'il a fait preuve d'étude dans son traité de la grande tactique et dans son traité des grandes opérations militaires. Admirateur de Napoléon jusqu'à l'injustice, attaché à l'état-major du maréchal Ney, on a de lui l'histoire critique et militaire des campagnes de la Révolution. Il a vu de ses propres yeux la guerre en Allemagne, en Prusse, en Pologne et en Russie jusqu'à la prise de Smolensk. Il était présent en Saxe, au combat de 1813. De là, il passa aux Alliés. Il fut condamné à mort par un conseil de guerre de Bonaparte et nommé au même moment aide-de-camp de l'empereur Alexandre. Attaqué par le général Sarrazin dans son histoire de la guerre de Russie et d'Allemagne, Jomini lui répliqua. Jomini a eu à sa disposition les matériaux déposés au ministère de la guerre et aux autres archives d'un royaume. Il a contemplé, à l'envers, la marche rétrograde de nos armées après avoir servi à les guider en avant. Son récit est lucide et entremêlé de quelques réflexions fines et judicieuses. On lui a souvent emprunté des pages entières sans le dire. Mais je n'ai point la vocation de copiste, et je n'ambitionne point le renom suspect d'un César méconnu auquel il n'a manqué qu'un casque pour soumettre de nouveau la terre. Si j'avais voulu venir au secours de la mémoire des vétérans, en manœuvrant sur des cartes, en courant autour des champs de bataille couverts de paisibles moissons, en extrayant tant et tant de documents, en entassant description sur description, toujours les mêmes, j'aurais accumulé volume sur volume. Je me serais fait une réputation de capacité, au risque d'ensevelir sous mes labeurs, moi, mon lecteur et mon héros. N'étant qu'un petit soldat, je m'humilie devant la science des Végès. Je n'ai point pris pour mon public les officiers à demi-solde. Le moindre caporal en sait plus que moi. Pour s'assurer de la place où il s'était assis, Napoléon avait besoin de se surpasser en miracle. Le 25 et le 30 avril 1800, les Français franchissent le Rhin, Moreau à leur tête. L'armée autrichienne, battue 4 fois en 8 jours, recule d'un côté jusqu'au Vorarlberg, de l'autre jusqu'à Ulm. Bonaparte passe le Grand Saint-Bernard le 16 mai, et le 20, le Petit Saint-Bernard, le Simplon, le Saint-Gothard, le Mont-Cenis, le Mont-Genèvre sont escaladés et emportés. Nous pénétrons en Italie par 3 débouchés réputés imprenables, cavernes des ours, rochers des aigles. L'armée s'empare de Milan le 2 juin et la République cisalpine se réorganise. Mais Gênes est obligée de se rendre après un siège mémorable soutenu par Masséna. L'occupation de Pavie et l'affaire heureuse de Montebello précèdent la victoire de Marengo. Une défaite commence cette victoire. Les corps de Lannes et de Victor, épuisés, cessent de combattre et abandonnent le terrain. La bataille se renouvelle avec 4 000 hommes d'infanterie que conduit Desaix et qu'appuie la brigade de cavalerie de Kellermann. Desaix est tué. Une charge de Kellermann décide le succès de la journée qu'achèvera de compléter la stupidité du général Mélas. Desaix, gentilhomme d'Auvergne, sous-lieutenant dans le régiment de Bretagne, aide-de-camp du général Victor de Breuil, commanda en 1796 une division de l'armée de Moreau et passa en Orient avec Bonaparte. Son caractère était désintéressé, naïf et facile. Lorsque le traité d'El Harish l'eut rendu libre, il fut retenu par Lord Case au lazaret de Livourne. Quand les lumières étaient éteintes, dit Millot, son compagnon de voyage, notre général nous faisait conter des histoires de voleurs et de revenants. Il partageait nos plaisirs et apaisait nos querelles. Il aimait beaucoup les femmes et n'aurait voulu mériter leur amour que par son amour pour la gloire. À son débarquement en Europe, il reçut une lettre du premier consul qui l'appelait auprès de lui. Elle l'attendrit, et de sexe disait « Ce pauvre Bonaparte est couvert de gloire, et il n'est pas heureux. » Lisant dans les journaux la marche de l'armée de réserve, il s'écriait « Il ne nous laissera rien à faire. » Il lui laissait à lui donner la victoire et à mourir. De Sexe fut inhumé sur le haut des Alpes, à l'hospice du Mont-Saint-Bernard, comme Napoléon sur les mornes de Sainte-Hélène. Kléber, assassiné, trouva la mort en Égypte, de même que De Sexe la rencontra en Italie. Après le départ du commandant en chef, Kléber, avec 11 000 hommes, défait 100 000 Turcs sous les ordres du grand vizir à Héliopolis, exploit auquel Napoléon n'a rien à comparer. Le 16 juin, convention d'Alexandrie. Les Autrichiens se retirent sur la rive gauche du Bas-Pô. Le sort de l'Italie est décidé dans cette campagne appelée de 30 jours. Le triomphe d'Hochstädt, obtenu par Moreau, console l'ombre de Louis XIV. Cependant, l'armistice entre l'Allemagne et l'Italie, conclu après la bataille de Marengo, était dénoncé le 20 octobre 1800. Le 3 décembre amena la victoire de Hohenlinden au milieu d'une tempête de neige, victoire encore obtenue par Moreau, grand général sur qui dominait un autre grand génie. Le compatriote de Du Guesclin marche sur Vienne. À 25 lieues de cette capitale, il conclut la suspension d'armes de Steyr avec l'archiduc Charles. Après la bataille de Pozzolo, le passage de Minsio, de la Dige et de la Brenta, survient, le 9 février 1801, le traité de paix de Lunéville. Il n'y avait pas 9 mois que Napoléon était au bord du Nil. 9 mois lui avaient suffi pour renverser la révolution populaire en France et pour écraser les monarchies absolues en Europe. Je ne sais plus si c'est à cette époque qu'il faut placer une anecdote que l'on trouve dans des mémoires familiers et si cette anecdote mérite la peine d'être rappelée. Mais il ne manque pas d'historiettes sur César. La vie n'est pas toute en plaine. On monte quelquefois, on descend souvent. Napoléon avait reçu dans son lit à Milan une Italienne de 16 années, belle comme le jour. Au milieu de la nuit, il la renvoya, de même qu'il aurait fait jeter par la fenêtre un bouquet de fleurs. Une autre fois, une de ces belles printanières s'était glissée dans le palais qu'il habitait. Elle y pénétrait à 3 heures du matin, faisait le sabbat et roulait ses jeunes années sur la tête du lion, ce jour-là plus patient. Ses plaisirs, loin d'être l'amour, n'avaient même pas une vraie puissance sur un homme de la mort. Il aurait incendié Persépolis pour son propre compte, non pour les joies d'une courtisane. François Ier, dit Tavannes, voit les affaires quand il n'a plus de femme. Alexandre voit les femmes quand il n'a plus d'affaires. Les femmes, en général, détestaient Bonaparte comme mère. Elles l'aimaient peu comme femme parce qu'elles n'en étaient pas aimées. Sans délicatesse, il les insultait ou ne les recherchait que pour un moment. Il a inspiré quelques passions d'imagination après sa chute. En ce temps-ci, et pour un cœur de femme, la poésie de la fortune est moins séduisante que celle du malheur. Il y a des fleurs de ruine. À l'instar de l'ordre des chevaliers de Saint-Louis, la Légion d'honneur est créée. Par cette institution passe un rayon de la vieille monarchie et s'introduit un obstacle à la nouvelle égalité. La translation des cendres de Turenne aux Invalides fit estimer Napoléon. L'expédition du capitaine Baudin portait sa renommée autour du monde. Tout ce qui pouvait nuire au premier consul échoue. Il se débarrasse du complot des prévenus du 18 Vendémiaire et échappe le 3 Niveaux à la machine infernale. Pitt se retire, Paul meurt, Alexandre lui succède. On n'apercevait point encore Wellington. Mais l'Inde s'ébranle pour nous enlever notre conquête du Nil, l'Égypte est attaquée par la mer Rouge, tandis que le capitaine Pacha l'aborde par la Méditerranée. Napoléon agite les empires, toute la terre se mêlait de lui. Les préliminaires de la paix entre la France et l'Angleterre, arrêtés à Londres le 1er octobre 1801, sont convertis en traités à Amiens. Le monde napoléonien n'était point encore fixé. Ses limites changeaient avec la crue ou la décroissance des marées de nos victoires. C'est à peu près alors que le premier consul nommait Toussaint Louverture gouverneur à vie à Saint-Domingue et incorporait l'île d'Elbe à la France. Mais Toussaint, traîtreusement enlevé, devait mourir dans un château fort du Jura, et Bonaparte se nantissait d'une prison à Porto Ferrajo afin de subvenir à l'empire du monde quand il n'y aurait plus de place. Le 6 mai 1802, Napoléon est élu consul pour 10 ans et bientôt consul à vie. Il se trouve à l'étroit dans la vaste domination que la paix avec l'Angleterre lui avait laissée, sans s'embarrasser du traité d'Amiens, sans songer aux guerres nouvelles où sa résolution va le plonger. Sous prétexte de la non-évacuation de Malte, il réunit les provinces du Piémont aux États français, et en raison des troubles survenus en Suisse, il l'occupe. L'Angleterre rompt avec nous, cette rupture a lieu du 13 au 20 mai 1803, et le 22 mai paraît le décret sauvage qui enjoint d'arrêter tous les Anglais commerçants ou voyageant en France. Bonaparte envahit le 3 juin l'électorat de Hanovre. À Rome, je fermais alors les yeux d'une femme ignorée. Le 21 mars 1804 amène la mort du duc d'Enghien. Je voulais raconter. Le même jour, le code civil ou le code Napoléon est décrété pour nous apprendre à respecter les lois. 40 jours après la mort du duc d'Enghien, un membre du tribunat, nommé curé, fait le 30 avril 1804 la motion d'élever Bonaparte au suprême pouvoir, apparemment parce qu'on avait juré la liberté. Jamais maître plus éclatant n'est sorti de la proposition d'un esclave plus obscur. Le Sénat conservateur change en décret la proposition du tribunat. Bonaparte n'imite ni César ni Cromwell, plus assuré devant la couronne, il l'accepte. Le 18 mai, il est proclamé empereur à Saint-Cloud, dans les salles dont lui-même chassa le peuple, dans les lieux où Henri III fut assassiné, Henriette d'Angleterre empoisonnée, Marie-Antoinette accueillie de quelques joies fugitives qui la conduisirent à l'échafaud, et d'où Charles X est parti pour son dernier exil. Les adresses de congratulation débordent. Mirabeau, en 1790, avait dit « Nous donnons un nouvel exemple de cette aveugle et mobile inconsidération qui nous a conduits d'âge en âge à toutes les crises qui nous ont successivement affligés. Il semble que nos yeux ne puissent être dessillés et que nous ayons résolu d'être, jusqu'à la consommation des siècles, des enfants quelquefois mutins et toujours esclaves. » Le plébiscite du 1er décembre 1804 est présenté à Napoléon. L'empereur répond « Mes descendants conserveront longtemps ce trône. » Quand on voit les illusions dont la Providence environne le pouvoir, on est consolé pour leur courte durée. Le 2 décembre 1804 eurent lieu le sacre et le couronnement de l'empereur à Notre-Dame de Paris. Le pape prononça cette prière « Dieu tout-puissant et éternel qui avez établi Hazaël pour gouverner la Syrie et Jéhu, roi d'Israël, en leur manifestant vos volontés par l'organe du prophète Élie, qui avez également répandu l'onction sainte des rois sur la tête de Saül et de David, par le ministère du prophète Samuel, répandez par mes mains le trésor de vos grâces et de vos bénédictions sur votre serviteur Napoléon, que, malgré notre indignité personnelle, nous consacrons aujourd'hui empereur en votre nom. » Pie VII, n'étant encore qu'évêque d'Imola, avait dit en 1797 « Oui, mes très chers frères, siate buoni Christiani et serate ottimi democratici. Les vertus morales rendent bons démocrates. Les premiers chrétiens étaient animés de l'esprit de démocratie. Dieu favorisa les travaux de Caton d'Utique et des illustres républicains de Rome. Quo turbine fertur vita hominum. » Le 18 mars 1805, l'empereur déclare au Sénat qu'il accepte la couronne de fer que lui sont venus offrir les collèges électoraux de la République cisalpine. Il était à la fois l'inspirateur secret du vœu et l'objet public du vœu. Peu à peu, l'Italie entière se range sous ses lois. Il l'attache à son diadème, comme au XVIe siècle, les chefs de guerre mettaient un diamant en guise de bouton à leur chapeau. L'Europe, blessée, voulut mettre un appareil à sa blessure. L'Autriche adhère au traité de Pétersbourg, conclu entre la Grande-Bretagne et la Russie. Alexandre et le roi de Prusse ont une entrevue à Potsdam, ce qui fournit à Napoléon un sujet d'ignoble moquerie. La troisième coalition continentale sourdit. Ces coalitions renaissaient sans cesse de la défiance et de la terreur. Napoléon s'éjouissait dans les tempêtes. Il profite de celles-ci. Du rivage de Boulogne, où il décrétait une colonne et menaçait Albion avec des chaloupes, il s'élance. Une armée organisée par Davout se transporte comme un nuage à la rive du Rhin. Le 1er octobre 1805, l'empereur harangue ses 160 000 soldats. La rapidité de son mouvement déconcerte l'Autriche. Combat du Lech, combat de Wertingen, combat de Günzburg. Le 17 octobre, Napoléon paraît devant Ulm. Il fait à Mack le commandement « Arme bas ». Mack obéit avec ses 30 000 hommes. Munich se rend. Linn est passé. Salzbourg pris. La Traun franchie. Le 13 novembre, Napoléon pénètre dans une de ses capitales qu'il visitera tour à tour. Il traverse Vienne. Enchaîné à ses propres triomphes, il est emmené à leur suite jusqu'au centre de la Moravie, à la rencontre des Russes. À gauche, la Bohême s'insurge. À droite, les Hongrois se lèvent. L'archiduc Charles accourt d'Italie. La Prusse, entrée clandestinement dans la coalition et ne s'étant pas encore déclarée, envoie le ministre Haugwitz, porteur d'un ultimatum. Arrive le 2 décembre 1805, la journée d'Austerlitz. Les alliés attendaient un troisième corps russe qui n'était plus qu'à 8 marches de distance. Kutuzov soutenait qu'on devait éviter de risquer une bataille. Napoléon, par ses manœuvres, force les Russes d'accepter le combat. Ils sont défaits. En moins de 2 mois, les Français, partis de la mer du Nord, ont, par-delà la capitale de l'Autriche, écrasé les légions de Catherine. Le ministre de Prusse vient féliciter Napoléon à son quartier général. « Voilà, lui dit le vainqueur, un compliment dont la fortune a changé l'adresse. » François II se présente à son tour au bivouac du soldat heureux. « Je vous reçois, lui dit Napoléon, dans le seul palais que j'habite depuis 2 mois. »« Vous savez si bien tirer parti de cette habitation, répondit François, qu'elle doit vous plaire. » De pareils souverains valait-il la peine d'être abattu? Un armistice est accordé. Les Russes se retirent en 3 colonnes à journée d'étape dans un ordre déterminé par Napoléon. Depuis la bataille d'Austerlitz, Bonaparte ne fait presque plus que des fautes. Le traité de Presbourg est signé le 26 décembre 1805. Napoléon fabrique 2 rois, l'électeur de Bavière et l'électeur de Württemberg. Les républiques que Bonaparte avait créées, il les dévorait pour les transformer en monarchie. Et contradictoirement à ce système, le 27 décembre 1805, au château de Schönbrunn, il déclare que la dynastie de Naples a cessé de régner, mais c'était pour la remplacer par la sienne. À sa voix, les rois entraient ou sautaient par les fenêtres. Les desseins de la Providence ne s'accomplissaient pas moins avec ceux de Napoléon. On voit marcher à la fois Dieu et l'homme. Bonaparte, après sa victoire, ordonne de bâtir le pont d'Austerlitz à Paris, et le ciel ordonne à Alexandre d'y passer. La guerre commencée dans le Tyrol s'était poursuivie, tandis qu'elle continuait en Moravie. Au milieu des prosternations, quand on trouve un homme debout, on respire. Offert, le Tyrolien, ne capitula pas comme son maître, mais la magnanimité ne touchait point Napoléon. Elle lui semblait stupidité ou folie. L'empereur d'Autriche abandonna Offert. Lorsque je traversai le lac de Garde, qui mortalisèrent Catulle et Virgile, on me montra l'endroit où fut fusillé le chasseur. C'est ce que j'ai su personnellement du courage du sujet et de la lâcheté du prince. Le prince Eugène, le 14 janvier 1806, épousa la fille du nouveau roi de Bavière. Les trônes s'abattaient de toutes parts dans la famille d'un soldat de la Corse. Le 20 février, l'empereur décrète la restauration de l'église de Saint-Denis. Il consacre les caveaux reconstruits à la sépulture des princes de sa race, et Napoléon n'y sera jamais enseveli. L'homme creuse la tombe, Dieu en dispose. Berg et Clèves sont dévolus à Murat, les 2 Siciles à Joseph. Un souvenir de Charlemagne traverse la cervelle de Napoléon et l'université est érigée. La République batave, contrainte à aimer les princes, envoie le 5 juin 1806 implorer Napoléon, afin qu'il daignât lui accorder son frère Louis pour roi. L'idée de l'association de la Batavie à la France, par une union plus ou moins déguisée, ne provenait que d'une convoitise sans règles et sans raison. C'était préférer une petite province à fromage aux avantages qui résulteraient de l'alliance d'un grand royaume ami, en augmentant sans profit les frayeurs et les jalousies de l'Europe. C'était confirmer aux Anglais la position de l'Inde, en les obligeant, pour leur sûreté, de garder le cap de Bonne-Espérance et s'élan dont il s'était emparé à notre première invasion de la Hollande. La scène de l'octroiement des provinces unies au prince Louis était préparée. On donna au château des Tuileries une seconde représentation de Louis XIV, faisant paraître au château de Versailles son petit-fils, Philippe V. Le lendemain, il y eut déjeuner, en grand gala, dans le salon de Diane. Un des enfants de la reine Hortense entre. Bonaparte lui dit « Chouchou, répète-nous la fable que tu as apprise. » L'enfant aussitôt « Les grenouilles qui demandent un roi. » Il continue « Les grenouilles se lassant de l'état démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin leur envoie un roi tout pacifique. » Assis derrière la récente souveraine de Hollande, l'empereur, selon une de ses familiarités, lui pinçait les oreilles. S'il était de grande société, il n'était pas toujours de bonne compagnie. Le 12 de juillet 1806 a lieu le traité de la Confédération des États du Rhin. 14 princes allemands se séparent de l'Empire, s'unissent entre eux et avec la France. Napoléon prend le titre de protecteur de cette confédération. Le 20 juillet, la paix de la France avec la Russie étant signée, François II, par suite de la Confédération du Rhin, renonce le 6 août à la dignité d'empereur électif d'Allemagne et devient empereur héréditaire d'Autriche. Le Saint-Empire romain croule. Cet immense événement fut à peine remarqué. Après la Révolution française, tout était petit. Après la chute du trône de Clovis, on entendait à peine le bruit de la chute du trône germanique. Au commencement de notre Révolution, l'Allemagne comptait une multitude de souverains. Deux principales monarchies tendaient à attirer vers elles les différents pouvoirs. L'Autriche créée par le temps, la Prusse par un homme, deux religions divisaient le pays et s'asseyaient tant bien que mal sur les bases du traité de Westphalie. L'Allemagne rêvait l'unité politique, mais il manquait à l'Allemagne pour arriver à la liberté, l'éducation politique. Comme pour arriver à la même liberté, l'éducation militaire manque à l'Italie. L'Allemagne, avec ses anciennes traditions, ressemblait à ces basiliques aux clochetons multiples, lesquels pèchent contre les règles de l'art, mais n'en représentent pas moins la majesté de la religion et la puissance des siècles. La Confédération du Rhin est un grand ouvrage inachevé, qui demandait beaucoup de temps, une connaissance spéciale des droits et des intérêts des peuples. Il dégénéra subitement dans l'esprit de celui qui l'avait conçu. D'une combinaison profonde, il ne resta qu'une machine fiscale et militaire. Bonaparte, sa première visée de génie passé, n'apercevait plus que de l'argent et des soldats. L'exacteur et le recruteur prenaient la place du grand homme. Michel-Ange de la politique et de la guerre, il a laissé des cartons remplis d'immenses ébauches. Remueur de tout, Napoléon imagina vers cette époque le grand Sanhédrin. Cette assemblée ne lui adjugea pas Jérusalem. Mais, de conséquence en conséquence, elle a fait tomber les finances du monde aux échoppes des Juifs, et produit par là dans l'économie sociale une fatale subversion. Le marquis de Lauderdale vint à Paris remplacer M. Fox dans les négociations pendantes entre la France et l'Angleterre pour parler diplomatique qui se réduisirent à ce mot de l'ambassadeur anglais sur M. de Talleyrand « c'est de la boue dans un bas de soie ». Dans le courant de 1806, la quatrième coalition éclate. Napoléon part de Saint-Cloud, arrive à Mayence, enlève à Saalbourg les magasins de l'ennemi. À Saalfeld, le prince Ferdinand de Prusse est tué. À Horst, à Hecht et à Iéna, le 14 octobre, la Prusse disparaît dans cette double bataille. Je ne la retrouvai plus à mon retour de Jérusalem. Le bulletin prussien peint tout dans une ligne. L'armée du roi a été battue, le roi et ses frères sont en vie. Le duc de Brunswick survécut peu à ses blessures. En 1792, sa proclamation avait soulevé la France. Il m'avait salué sur le chemin lorsque, pauvre soldat, j'allais rejoindre les frères de Louis XVI. Le prince d'Orange et Mohlendorf, avec plusieurs officiers généraux renfermés dans Halle, ont la permission de se retirer en vertu de la capitulation de la place. Mohlendorf, âgé de plus de 80 ans, avait été le compagnon de Frédéric, qui en fait l'éloge dans l'histoire de son temps, de même que Mirabeau dans ses mémoires secrets. Il assista à nos désastres de Rosbach et fut témoin de nos triomphes d'Iéna. Le duc de Brunswick vit à Clostercamp, immolé d'Assas, est tombé à Auerstaedt Ferdinand de Prusse, coupable seulement de haine généreuse contre le meurtre du duc d'Enghien. Ces spectres des vieilles guerres de Hanovre et de Silésie ont touché les boulets de nos deux empires. Les ombres impuissantes du passé ne pouvaient arrêter la marche de l'avenir. Entre les fumées de nos anciennes tentes et de nos bivouacs nouveaux, elles parurent et s'évanouirent. Erfurt capitule. Leipzig est saisi par Davout. Les passages de l'Elbe sont forcés. Spandau cède. Bonaparte fait prisonnière à Potsdam l'épée de Frédéric. Le 27 octobre 1806, le grand roi de Prusse, dans sa poussière autour de ses palais vides à Berlin, entend porter les armes d'une façon qui lui révèle des grenadiers étrangers. Napoléon est arrivé. Pendant que le monument de la philosophie s'écroulait au bord de la Sprée, je visitais à Jérusalem le monument impérissable de la religion. Stettin, Küstrin se rendent. À Lübeck, nouvelle victoire. La capitale de la vaguerie est emportée d'assaut. Blücher, destiné à pénétrer deux fois dans Paris, demeure entre nos mains. C'est l'histoire de la Hollande et de ses 46 villes emportées dans un voyage en 1672 par Louis XIV. Le 21 novembre paraît le décret de Berlin sur le système continental, décret gigantesque qui mit l'Angleterre au banc du monde et fut au moment de s'accomplir. Ce décret paraissait fou, il n'était qu'immense. Nonobstant, si le blocus continental créa d'un côté les manufactures de la France, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie, de l'autre, il étendit le commerce anglais sur le reste du globe. En gênant les gouvernements de notre alliance, il révolta des intérêts industriels, fomenta des haines et contribua à la rupture entre le cabinet des Tuileries et le cabinet de Saint-Pétersbourg. Le blocus fut donc un acte douteux. Richelieu ne l'aurait pas entrepris. Bientôt, à la suite des autres états de Frédéric, la Silésie est parcourue. La guerre avait commencé le 9 octobre entre la France et la Prusse. En 17 jours, nos soldats, comme une volée d'oiseaux de proie, ont plané sur les défilés de la Franconie, sur les eaux de la Saale et de l'Elbe. Le 6 décembre les trouve au-delà de la Vistule. Murat, depuis le 29 novembre, tenait garnison à Varsovie, d'où s'étaient retirés les Russes, venus trop tard au secours des Prussiens. Les lecteurs de Saxe, enflés en rois napoléoniens, accèdent à la Confédération du Rhin et s'engagent à fournir en cas de guerre un contingent de 20 000 hommes. L'hiver de 1807 suspend les hostilités entre les deux empires de France et de Russie. Mais ces empires se sont abordés et une altération s'observe dans les destinées. Toutefois, l'astre de Bonaparte monte encore malgré ses aberrations. En 1807, le 8 février, il garde le champ de bataille à Eylau. Il reste de ce lieu de carnage un des plus beaux tableaux de Gros orné de la tête idéalisée de Napoléon. Après 51 jours de tranchées, Danzig ouvre ses portes au maréchal Lefebvre qui n'avait cessé de dire aux artilleurs pendant le siège « Je n'y entends rien, mais fichez-moi un trou et j'y passerai ». L'ancien sergent aux gardes françaises devint duc de Danzig. Le 14 juin 1807, Friedland coûte aux Russes 17 000 morts et blessés, autant de prisonniers et 70 canons. Nous payâmes trop cher cette victoire. Nous avions changé d'ennemi. Nous n'obtenions plus de succès sans que la veine française ne fût largement ouverte. Königsberg est emporté. À Tilsit, un armistice est conclu. Napoléon et Alexandre ont une entrevue dans un pavillon, sur un radeau. Alexandre menait en laisse le roi de Prusse, qu'on apercevait à peine. Le sort du monde flottait sur le Niemen, où plus tard il devait s'accomplir. À Tilsit, on s'entretint d'un traité secret en 10 articles. Par ce traité, la Turquie européenne était dévolue à la Russie, ainsi que les conquêtes que les armées moscovites pourraient faire en Asie. De son côté, Bonaparte devenait maître de l'Espagne et du Portugal, réunissait Rome et ses dépendances au royaume d'Italie, passait en Afrique, s'emparait de Tunis et d'Alger, possédait Malte, envahissait l'Égypte, ouvrant la Méditerranée aux seules voiles françaises, russes, espagnoles et italiennes. C'étaient des cantates sans fin dans la tête de Napoléon. Un projet d'invasion de l'Inde par terre avait déjà été concerté en 1800 entre Napoléon et l'empereur Paul Ier. La paix est conclue le 7 juillet. Napoléon, odieux dès le début pour la reine de Prusse, ne voulut rien accorder à ses intercessions. Elle habitait une petite maison esselée sur la rive droite du Niémen, et on lui fit l'honneur de la prier deux fois au festin des empereurs. La Silésie, jadis injustement envahie par Frédéric, fut rendue à la Prusse. On respectait le droit de l'ancienne injustice. Ce qui venait de la violence était sacré. Une partie des territoires polonais passa en souveraineté à la Saxe. Danzig fut rétablie dans son indépendance. On compta pour rien les hommes tués dans ses rues et dans ses fossés, ridicules et inutiles meurtres de la guerre. Alexandre reconnut la Confédération du Rhin et les trois frères de Napoléon, Joseph, Louis et Jérôme, comme rois de Naples, de Hollande et de Westphalie. Fin de la section 5.